écoute, faut que tu saches, on est soit voleur, soit volé. Et chacun se tue à la tâche, qu'on soit la base ou le sommet. Les gens baissent les bras ou les ferment, faut jouer des coudes pour exister. Ici tu gagnes ou tu la fermes, mais laisse-moi te raconter. Petit, regarde cet étang, des familles nagent contre courant. Petit, regarde tous ces gens, et dansent et dansent dans le vent. Petit, regarde droit devant, des hommes y dansent contre courant. Petit, regarde tous ces gens, et dansent dans le vent. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Gamin, écoute, c'est pas fini, tout est fric et frime, petite gloire. On confond rêve et jalousie, tout finira bientôt dans le noir. Les gens baissent les yeux ou les ferment, faut être la brute et le truand. Ici tu aimes ou tu t'enfermes, ah tu peux rire maintenant. Petit, regarde cet étang, des familles nagent contre courant. Petit, regarde tous ces gens, et dansent dans le vent. Petit, regarde droit devant, des hommes y dansent contre courant. Petit, regarde tous ces gens, et dansent dans le vent. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Y'a pas que ton frère, que ton frère. Yeah.